Salut, c'est Projet Morse. Fiovorac, Borgefoul. Dude. Bah Mélanie, t'as joué hier au futur bahut, au futur tiers-lieu de bahut, qui s'appelle Jacques Lagabriel pour l'instant. Et tu joues bah là, tout à l'heure, à Fête Zapsal, à Sainte-Foy-la-Grande, chez les B plus B. Qu'est-ce que dire? Bah allez, parcours, hein. De toute façon, c'est toujours intéressant aussi ce genre de questions-là, parce qu'on s'en rend pas forcément compte des chaos et des choses. Alors ton instrument c'est la contrebasse. Du coup on a généralement un peu l'idée de alors moi qui ai un passé de régisseur dans le classique et dans le contemporain, j'ai toujours envie d'aller par là, mais c'est peut-être du jazz, c'est peut-être différentes musiques. T'as fait le conservatoire, J'ai fait contrebasse. le conservatoire à Tours, donc en classique, avec un peu d'initiation jazz. Mais moi, en fait, ça me saoulait trop les trucs de grille. Tiens. Ouais, je sais pas. En fait, le jazz, c'est pas du tout mon langage. Enfin, ça me parle pas. Et par contre, le répertoire classique et contemporain, j'étais assez intéressée. Puis ça a développé la technique aussi. Académique, c'est sûr, mais il y avait plein de. Vu que c'est un instrument qui est pas si. Dans son. Comment, sa démonstration soliste, qui est pas si vieux, le répertoire est quand même. Ça date du 19e. Ah ouais, Fin quand même. 19e, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup d'écritures qui sont faites sur le tard et qui sont assez chouettes, en fait. Il y a vraiment des choses bien. Après, j'étais déjà assez adulte, en fait, quand je suis rentrée dans ce conservatoire. C'était en 2011. Donc, ça a été pas facile quand même. Je peux te demander quel âge? Désolé. Ou une Attends, tranche? quel âge j'avais en 2011? J'ai 38 ans. Je suis Ouais, hyper on a nulle. vraiment tous le même âge, c'est En 2011, j'avais quel âge? Si, j'ai 38 ans aujourd'hui. 26 ans, je me retrouve avec que des gens vraiment très jeunes et qui sont là pour être formés, pour être des bêtes de concert et tout. C'est pas tout à fait mon cas. Enfin, ouais, il y moi, avait ce je. syndrome-là là-bas, Oui, parce que toi, pour beaucoup. Yvan, qu'on a sûrement entendu il y a 2 semaines, parce que mais de l'idée, toi, c'était plus large, quoi. Il y avait C'était pas vraiment bête de concert, etc. À la française. Tu parles Ils du. formaient pas forcément des Là où gens. t'as appris le trombone. Non, c'était Ouais. petite école communale. C'était pas du tout ambiance conservatoire. C'était vraiment bon, des cours comme à la maison pour tous, un peu. Enfin, je sais pas comment on dit. C'est quoi les. C'est vraiment les petits cours de village où t'avais quand même plein de sections d'instruments, mais. Et au final, c'était pour faire des concerts en chemise blanche de Johnny Hallyday, quoi. Du coup, c'était plutôt ça l'idée. C'est marrant parce qu'on a interviewé Xavier Charles qui parle de lui, c'était carrément des fanfares municipales à Verdun, en plus, avec tout un contexte et tout. Et ouais, je vais, je, tu t'élaboreras si tu veux, mais je me permets de dire un mot sur effectivement la problématique des conservatoires. Il y a une vraie problématique. Bah c'est comme tu dis quoi. C'est-à-dire qu'on forme les gamins, puis les ados, puis les jeunes adultes à être des solistes, en fait. Alors qu'au final, évidemment, bah il y a un tout petit pourcentage qui vont être solistes, enfin qui vont concertistes, comme on dit, ou solistes. Et après, du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont en orchestre plus ou moins importants, plus ou moins bien payés, etc. Et qui peuvent, pas forcément du tout, mais qui peuvent être un peu aigris, parce que bah, c'était pas trop ce qu'on leur avait dit, quoi. T'en as qui se retrouvent en conservatoire, tu peux pas le cumuler avec l'intermittence, ou difficilement, du coup, tu peux pas être bah, dans un orchestre, concertiste, et prof. Difficilement, c'est un peu la voie de garage. Alors que, bah, évidemment, c'est hyper important. Moi, c'était vraiment très problématique et ça me rendait très très triste pour des gens super qui se sentaient pas légitimes en tant que C'est prof. sûr. Et en fait, je dis ça parce que tu as commencé à le dire vaguement. Ouais, je l'ai dit, mais après, là où j'ai eu plus de chance, c'est que la contrebasse est un petit peu épargnée quand même pardon, de ce genre de profil. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais pas la seule adulte déjà dans la classe, arrivée de notre horizon. Enfin, mais j'ai l'impression que c'était une classe qui permettait des personnalités différentes. Et j'ai eu une professeure qui m'a vraiment aidée, en fait. Enfin, qui a juste permis le développement d'une expressivité qui, du coup, que j'ai après développée encore plus. Mais elle n'est pas allée contre ça, en fait. Elle voyait ce qui m'intéressait, puis elle a alimenté en ce sens-là. Donc, j'ai eu de la chance. Enfin, c'était... J'étais entourée de gens quand même bienveillants. C'est juste quand je me retrouvais dans des auditions de musique de chambre, où je me retrouvais avec les violonistes, les violoncellistes. Là, tout d'un coup, ça se crispe. C'était dur, quoi. Enfin, moi, physiquement, vraiment, j'étais pas du tout à mon endroit, en fait. Mais j'ai considéré cet endroit comme une grosse boîte à outils où voilà, j'ai pris plein de trucs et puis je m'en suis servie après. Pour moi, quoi. Au seuil. Clave au David d'avant, d'Avé, d'avant, d'acclave, d'acclave. Mais clave au David d'avant, d'Avé. D'avant, d'acclave, d'acclave, d'acclave. Ixa, ixa. Éclave, au David d'avant, David d'avant, d'acclave, d'acclave. David, David. Mm-hmm. Après, le syndrome dont je parle, objectivement, il concerne beaucoup les pianistes, les violonistes, altistes, violoncellistes, peut-être flûte, clarinette, ouais, etc. Dans les cuivres aussi, il y a quand même un peu des choses maintenant. Il y a beaucoup de concertos. Ouais. Il y a beaucoup de... Bah, la musique de chambre, c'est quand même assez rapidement des quatuors à cordes sans contrebasse. Après, ce qui... Enfin, moi, étant donné que j'y suis arrivée tard, dans cet endroit, j'étais hyper lucide sur le fait que je ne serais jamais une grosse artiste. Et qu'en fait, je sais pas, c'était... J'étais tranquille avec cette idée. Alors après, t'as le stress... des choses imposées, des auditions, des trucs, évidemment, t'as les examens, tu dois passer des bosses, quoi. Mais dans ma tête, je sais, j'étais clairvoyante, en fait. Enfin, je savais que... Moins dupe, quoi. Oui, et puis, de toute façon, je savais déjà que c'était pas mon endroit. Oh, du jambon. Pardon. Du jambon. Merci. C'est pas mon endroit du jambon. Du jambon. voilà, je m'intéressais déjà beaucoup aux musiques cheloues. Enfin, j'étais déjà aspirée par plein de choses qui n'étaient pas ça, quoi. Donc, j'ai pas de séquelles. je le referai pas, c'est sûr. Je mange un bout de jambon. Du coup. Donc nous on connaît Borgefull. Tu as d'autres avant de parler de Borgefull, tu as d'autres pratiques en groupe Alors je joue dans un groupe qui s'appelle Grande, mais qui n'est pas vraiment mon groupe. C'est un duo de musique actuelle, on va dire, donc assez classique dans le genre pop folk, où je suis interprète en fait. Enfin, c'est moi qui écris mes lignes de basse, mais c'était un duo qui, du coup, s'est agrandi vers un quatuor avec une batterie et moi. Et je joue avec eux. Voilà. Mais c'est vraiment... C'est pas mon univers musical. Enfin, c'est un geek. Ouais, je suis au service de leurs propositions. Et ensuite, je travaille un peu pour des compagnies de théâtre, danse. Où j'aime bien cet aspect-là. Un peu transdisciplinaire, comme ça. Pas être que avec des musiciens. Je donne des cours aussi dans une école de musique municipale. Et puis, Borgefull, quand même, me prend. C'est ce qui m'habite le plus, quand même. T'es intermittente ? Ouais. T'es bien avec ça. Ouais, du coup, t'es un peu. Ouais, contrairement à pas mal de gens avec qui on a tendance à traîner, t'es aussi. Comment dire ? Interprète, quoi. Enfin, musicienne, tu te fais embaucher, quoi, sur des projets comme musicienne, quoi, oui. Vraiment. Après, c'est plutôt confortable, cette place-là. Enfin, Bien sûr, peut-être même que toujours, ça peut manquer à certains des milieux plus expés. C'est pas un reproche en soi, hein, mais peut-être que t'en as qui passent à côté de ça, mettons, et qui je pensais intéressant, effectivement. Après, c'est pas le même taf. Hein, Non, c'est pas le même endroit, c'est sûr. Ouais. Et ça doit être assez formateur aussi, parce que tu vas chercher dans des trucs qui sont pas de... Je sais pas, dans des techniques, dans des... Bah, c'est plus simple. Enfin, je sais pas, je me prends moins la tête que sur Borgefull, où j'essaie tout le temps de chercher des nouvelles choses, enfin, déconstruire justement cette pratique plus académique. Là, finalement, quand j'écris pour d'autres personnes, c'est plus bordé, quoi. Enfin, voilà. Je m'adapte à un cadre donné, et puis souvent on me calme aussi, parce que des fois, en l'occurrence dans Grande, j'avais tendance à faire des fois des envolées un peu. Enfin, je sais pas, je me lâchais, quoi. Puis en fait, on me disait, non, écoute, tu peux juste faire un sol là, tu fais juste ta basse tranquille. Sur les premiers temps, et puis voilà, c'est... Enlève cette pince à linge de ta corde grave. Donc, j'ai été un petit peu réfrénée dans mes élans à des moments. Mais je comprends aussi, c'est les places sont pas... Je l'accepte, voilà. Ça va. Borgefull, du coup... Bon, je vais le dire, mais moi, j'y vois un mélange entre de la chanson qui peut aller vers le... Pas la pop, mais des choses... Moi, je ça peut pas m'empêcher de faire penser à Björk, parce que j'ai beaucoup écouté ça, et c'est vraiment une énergie que j'aime bien. Non, je peux comprendre qu'on voit pas du tout le lien, mais... On a déjà dit Björk, cela dit. Ah, et ouais, après, il y a vraiment un truc impro, bah, pince à linge, alors toi c'est pas une pince à linge, ouais. Et j'y vois vraiment un truc contemporain. Oui. Dans les techniques, mais même dans... Et puis les pédales qui amènent tout ce côté un peu plus... qui gratte, et puis tu vois, tu hurles, tu utilises des choses moins conventionnelles. Super ce mot. Bah, en fait, c'est un mélange de tout ça. Pop, franchement, je l'accepte avec plaisir, parce que j'aime quelque chose que j'adore dans la pop. Et dans les façons de chanter, c'est vrai que... En fait, je ne m'interdis pas grand-chose. J'essaie juste de... je sais pas, de trouver en fait là où je me sens le plus juste par rapport à cette musique que j'entends. Du coup, vu que je suis seule en plus, j'ai besoin en fait qu'il y ait des ruptures aussi, que finalement un morceau soit une sorte de multiplication de strates possibles, où tout d'un coup, en fait, c'est un peu... des fois, je donne l'image de plan qui défile d'un film, et donc que je puisse aller dans une direction et puis revenir à un autre état qu'on aurait peut-être déjà traversé, mais différemment, parce que tout d'un coup, la couleur a changé. Mais en tout cas, je me raconte un peu des trucs comme ça. Chemin de fin. Et l'aspect contemporain vient, c'est sûr, de l'instrument préparé avec voilà, des techniques d'objets que je viens mettre dans les cordes. Des techniques étendues. Ouais, techniques étendues. Après, du coup, moi, ça, c'est des trucs que j'ai découvert dans des groupes d'impro libre, ou voilà, avec un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Capozzo, qui est trompettiste à Tours, qui organisait ça un dimanche par mois, et puis ils appelaient ça de la cuisson. Donc, voilà, les gens venaient, et puis ça n'avait pas forcément très, très bien joué non plus. Enfin, juste, on essayait des trucs, quoi. Et puis, moi, j'étais hyper inhibée au début. Enfin, c'était hyper dur. Et petit à petit, je sais pas, j'ai compris quel était cet espace-là de possibilités. Et puis, puis, j'ai commencé à chercher des choses chez moi, puis à revenir dans ces séances. Mais à chaque fois, c'était vraiment des efforts de... Enfin, des mises en danger de soi, enfin, entre guillemets, bien sûr, mais... En tout cas, c'était pas confortable du tout, quoi. Mais c'est là où j'ai compris, enfin, j'ai un peu perçu ce qui était le champ des possibles de cette préparation d'instruments et comment ça... Voilà, tu peux transformer un timbre. Et surtout, dans Borgefu, je me suis dit, mais c'est pas l'impro pour l'impro. Enfin, c'est pas le... comment le changement de son pour le changement de son, c'est qu'est-ce que ça sert dans un morceau. Et du coup, j'avais vraiment envie de trouver une construction où j'utilise cette matière-là de façon très définie, en fait. C'est-à-dire, voilà, ça va composer un élément de la chanson, quoi. C'est pas juste, voilà, pour colorer. Enfin, j'avais envie que ça se construise vraiment, que ce soit pas juste des recherches comme ça, voilà, que ça puisse s'élaborer, en fait. Au service de, voilà, de ce que je pourrais raconter dans la voix, afin que les timbres aussi puissent communiquer, enfin, chercher aussi des... Enfin, on parlait de mimologie, c'est ça ? Bah, du coup, là, que moi aussi, je m'amuse souvent à essayer de trouver des... Dans la voix, qu'est-ce qui dialogue avec une préparation d'instrument, en fait ? Enfin, où ça m'emmène, en fait, comment ça m'inspire sur l'aspect vocal. Donc de la pop, je peux me laisser embarquer vers un truc plus crado, parce que voilà, il y aura eu ça. Chercher des corrélations comme ça. Duo avec Rachel Langlais. Thank you. Comment tu composes, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que tu pars d'une matière sonore un petit peu à la manière des improvisatrices, est-ce que tu parles d'une chanson, de paroles, ou même juste d'une mélodie, enfin d'une ligne de basse, quoi, si on veut. Tu le fais dans... Dans quel sens ? Ouais, enfin après tu réponds à la question comme tu veux, c'est pas... J'ai un peu l'impression d'être sur France Inter, France Culture j'ai... même. Ouais. J'ai jamais de mélodie de chant dans la tête, a priori. C'est vraiment la basse, en fait. C'est des impros sur la basse, alors que ce soit préparé ou pas. Des fois, je fais juste, pareil, des bourdons, des trucs. Je vois où ça m'emmène. Mais du coup, la voix va naître là-dedans. Et j'ai jamais de chant. Enfin, très peu, quoi. Des fois, en voiture, je pense à des trucs, mais souvent, je les oublie. Puis, c'est vraiment l'instrument, en fait, qui est le point de départ, qui me donne envie de chanter, quoi. Donc, je crois que c'est l'endroit du travail, il est plutôt là. Il n'y a pas trop de règles de compo. C'est le son, quoi. Vraiment le son. C'est un instrument qui m'a donné... Enfin, moi, je ne chantais pas plus que ça avant, en fait. C'est... Parce que ces vibrations, elles sont tellement... tellement fortes, quoi. Et puis, ça, à un moment, t'as envie. Enfin, je sais pas, ça crée des trucs. Donc, c'est très, très empirique. J'ai vraiment développé ça parce que je sentais qu'il y avait... J'avais une envie avec ce son-là, quoi. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le fait d'être contre une basse... Physiquement, hein. C'est hyper physique pour toi. Enfin, ça te fait vraiment vibrer tout le coffre, quoi. Ça doit être particulier, du coup, comme expérience de, je sais pas, de chant avec son mélange. C'est génial parce que en plus. Bien le micro devant ta bouche. Je peux. En fait, c'est des. Les vibrations basses, moi du coup je suis allée chercher des, je pensais pas que je pouvais chanter si grave à des moments en fait, et du coup c'est vraiment des recherches en lâchant vraiment, je saurais pas expliquer techniquement parce que je suis pas du coup technicienne du chant, mais je sens qu'il y a un truc dans le ventre très très profond, mais qui est permis par cet appel-là des vibrations basses. Et à l'inverse, le fait d'avoir cet instrument qui a quand même une tessiture très très vaste, avec des harmoniques suraiguës, où je sais par contre que je peux chanter aigu, du coup, ça me permet tellement d'amplitude, de latitude possible. Enfin, et puis je trouve ça intéressant, je me dis comment tu développes une tension entre ces graves-là et puis ces suraiguës. Avec c'est ce même objet, la voix, qui vient se placer à un endroit du spectre, comme ça vient, quoi, en fait. Mais il y a tellement de choses à faire, je trouve ça génial. Enfin, c'est fort. Enfin, physiquement, c'est vrai que c'est un truc qui est fort, quoi. Et quand je t'ai vu à côté de Bergerac, Mathieu Lebrun qui t'avait proposé de venir après L'Île Sauvage, j'avais ressenti un truc assez trad. Il y a une chanson qui peut faire penser à ça, mais pas tant le reste, peut-être les thèmes, quand tu parles beaucoup de la nature, du vent, etc. Hier, je l'ai beaucoup moins ressenti. J'étais beaucoup plus dans la voix, et vraiment un peu Björk, etc. J'étais plus dans des souvenirs... adolescent, quand j'ai commencé à m'intéresser à des trucs un petit peu plus ouverts que des trucs un peu pop et tout. En train de se gaver de jambon, c'est parfait. Ouais. Une pluie de jambon. Ça te parle quand je te dis ça Alors, le trad... du coup, moi, je... J'ai grandi en Haute-Loire, dans le Massif central. J'ai fait beaucoup de baltrad pour danser, pas pour jouer. Enfin, à l'époque, je jouais pas. Enfin, je jouais du violon, mais pas de façon très, très incarnée. Et donc, j'allais avec adolescente plutôt, avec des amis à des balles danser. Donc, nous, on appelle ça des balles trad, pour le coup. Et donc, sans doute, je me dis, sans doute que cette musique s'est déposée quelque part, mais c'est pas du tout. Je la convoque pas, enfin, pour composer, en fait. C'est pas. Y a des choses qui me touchent énormément dans des tournes de trad. Et peut-être qu'il y aura des incises, voilà, un moment du morceau, vers un plan qui peut faire penser. Quand j'ai commencé à écrire, il y a un des morceaux là où en fait j'avais le morceau, je l'avais intitulé Vielle, mais c'était le tout début, il ne portait pas encore son nom. Et si j'ai mis ça, c'est que en fait je pense que j'avais. Mais voilà, j'avais le bourdon de la vielle dans la tête, en fait. Mais c'est des matières, en fait. C'est pas, j'ai pas de référentiel. Ouais, ça infuse un peu. Voilà, ça infuse. J'en écoute, hein, la musique trad, mais voilà, je vais pas faire un travail de, comme vous, de collectage et de recherche, comme le font très bien plein de gens. Du coup, j'essaie quand même de partir de. Je sais pas, de pas grand chose. Enfin. Vous, c'est Lududu qui sont juste à côté. Ouais, c'est Lududu qui mange du jambon à côté. T'as parlé de tourne. Ouais. Ça correspond à quoi? Eh ben, par exemple, pour moi, c'est la répétition d'une forme courte, courte ou plus ou moins courte d'ailleurs. Quelque chose d'entêtant comme ça, tu vois, de lancinant, ostinato, pas forcément rythmique, parce que, en l'occurrence, là où je sens que je fais des tournes, par exemple, c'est quand je vais utiliser des doubles cordes, et que du coup, il va y avoir une base, un bourdon de basse, en fait, qui va être là tout le temps, et puis la double corde permet de faire quand même arriver une petite mélodie là-dessus. Donc ça, je considère que c'est une tourne. Après, par exemple, l'ostinato, c'est une forme intéressante. Enfin, en tout cas, ces derniers temps, j'avais écouté Perrine Borel. Et, qui est venue. Qui est venue, ouais. Mais je crois que c'est d'ailleurs avec elle que j'ai découvert le projet Morse. Ouais, d'accord. J'ai vu qu'elle était venue ici. Et j'avais regardé une vidéo d'elle où elle joue un ostinato au violon, donc en utilisant pas mal la baguette de l'archer. Et c'est juste ça, en fait, le morceau. Et ça, c'est classe. Enfin, il y a un truc épuré que j'aime beaucoup. Je me sens pas trop capable de. Moi, d'être dans cette épure-là complètement. J'ai quand même envie de mettre des gros sons de pédale d'effet des fois. Enfin, voilà, j'aime bien les. Parce que j'ai aussi beaucoup écouté de la noise et puis. Des trucs un peu crades, et du coup j'ai quand même cette envie d'emmener la contrebasse vers ça, quoi. Mais je reconnais que je suis hyper touchée par ces trucs très simples. Et là, je suis en train d'écrire des nouvelles choses, et il y a un morceau où je reste sur très très longtemps sur deux notes. Évidemment que j'enrichis un petit peu par des trucs bizarres, mais mon idée, c'était essayons de développer vraiment ça un peu plus. Pédale, tu utilises un petit peu de textural assez léger. Ouais. Et une pédale de boucle, enfin. Non. Ah, il y en a une où j'ai l'impression. Du coup, c'est juste un énorme délai. Ouais. Noyé dans la reverb. Là, j'avais l'impression vraiment qu'à un moment tu. Non, pas de boucle. J'ai vraiment un gros problème avec les pédales de boucle. Oui, bah de toute façon, les cordes qui utilisent. Ouais. Les pédales de loop, parfois c'est un petit peu systématique, même si ça peut être très beau, mais ouais. Tu peux arriver à un concert et faire ah oui, d'accord. Mm. Ouais, puis surtout je trouve en forme solo, c'est vraiment un truc compliqué. Et je me suis dit dès le début, pas de pédales de boucle. Vraiment, je suis seule et je développe. Les plans vont se comment pas s'enchaîner, mais se tuiler. Puis je vais pas faire comme si j'étais entourée de plein de gens qui jouent de la contrebasse autour de moi. J'avais vraiment envie, pour le coup, de ce truc sobre, en fait. Et les effets sont... Il y a donc un delay, il y a une frise, une disto, mais c'est des couleurs, en fait. C'est vraiment pour colorer certains moments. Et c'est pas l'effet pour l'effet non plus. Enfin, j'essaie de les utiliser un peu comme des petites touches de peinture, quoi. Je préfère ça. Une frise, du coup, c'est... C'est un truc qui maintient le son. Qui micro-boucle, un petit peu. Bah, en fait, ouais, ça gèle ton son. Donc, si tu fais un ré, par exemple, et ben, ça fait ré. Et puis, tu vas entendre un peu les variations. C'est pas trop figé, ça va. Le son, il est vivant quand même. Ouais, mais je sais pas, j'y vois un truc un peu granulaire aussi. Ouais, alors, ouais. C'est... Là, pour le coup, ça doit dépendre des pédales. J'ai une pédale qui est... s'appelle la granular, qui elle crée des sons aléatoires, mais c'est une usine à gaz. Enfin, je comprends toujours pas ce qu'elle peut faire, en fait. Il y a plein de circuits. Il y a des trucs que j'arrive à baliser, mais sinon c'est quand même le granular pour ultra simplifier c'est très compliqué. Mal. Ça va être micro bouclé et après faire varier quoi, aller faire varier le son en pitch, pas mal et puis bon, ouais, c'est assez mal expliqué, mais comme... ça génère aussi du son. Enfin, c'est... J'ai l'impression qu'il a sa vie propre. Ouais. Très, ouais, c'est chaotique et aléatoire. Ouais, c'est ça. Ce qui est très intéressant, je pense, mais voilà, je... Moi, je suis ultra fan Je la maîtrise pas encore. Je suis ultra fan de la façon dont Julien Després vit ça. Trop bien. Les Lui Dudu, est-ce que vous auriez une petite question Ah oui, tu lèves la main, c'est bien ça. Ouais. Deux. Par la ridondelle, juste la maradrée. Hop. Ouais, j'ai l'impression d'être un peu. Ça va ? J'ai l'impression de parler. Arrête de manger du jambon. Je ne peux pas parler. Est-ce qu'il est bon, le jambon ? Non, ouais, c'est il est bon. Mais est-ce que le jambon est bon ? La réponse était oui. Il est bon, le jambon. J'ai des questions un peu. Je vais pas faire de commentaires sur mes questions. C'est. Ça veut dire quoi, Borgeful ? Et ton rapport à la langue ? Alors, Borgeful, c'est donc une amie en Allemagne qui m'avait dit qu'en Allemagne, ils avaient un mot pour décrire les sensations dans le ventre, dans les viscères, et ça se disait « Borgeful ». Et je ne parle pas du tout allemand, mais j'avais trouvé que c'était une très belle image, et du coup, je l'ai réécrit à ma sauce, en enlevant un peu des H, qu'il y en avait partout, pour dire Borgeful. Et voilà, parce que je trouvais que ça décrivait bien ce que j'essayais de faire, de transmettre ce truc un peu gros là. Et ensuite, mon rapport à la langue, dans Borgeful, je chante dans une sorte de patois, enfin un petit occitan altiligérien, plutôt issu de ma grand-mère. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire, au début, je me suis dit, bon, je vais écrire en français. Puis en fait, j'arrivais pas à m'amuser vraiment avec la langue française. Enfin, je trouvais pas le... Je sais pas, le petit truc pour qui faisait que j'arrivais à chanter, à déployer voilà, cette façon de chanter, en fait. Et du coup, je me suis dit, ah, mais si j'essayais... Alors, évidemment, il y avait déjà tout le courant de la novia, tout ça. Enfin, évidemment, je pense que j'avais déjà un petit truc dans la tête. Mais du coup, je suis allée vers ma grand-mère en lui disant, est-ce que tu peux m'aider à... Voilà, j'aimerais dire ça. Je montrais les textes et puis... Je dis, comment tu dis ça, machin ? Parce que je le comprends, mais je ne le parle pas, du coup, ce patois. Je l'ai entendu pendant mon enfance. Et en fait, du coup, elle me disait les mots, mais des fois, elle ne savait plus non plus, parce qu'elle ne parle plus, en fait, avec qui que ce soit. Donc, il y a des mots, en fait, je pense qu'elle m'a dit, mais ce n'est même pas sûr que ce soit vraiment ça. Donc, c'était un peu une reconstitution hyper personnelle, à la fois d'elle et puis de moi qui essayais de comprendre un peu ce qu'elle voulait dire. Voilà, donc, en fait, je pense que s'il y a des puristes, tu parlais des puristes tout à l'heure, qui m'écoutent, c'est compliqué. Enfin, voilà, puis en plus, j'associe, des images qui ne vont pas ensemble. Enfin, ça se dit pas comme ça. Ouais, voilà, enfin, je fais pas... vraiment rien de très très fidèle, quoi. Une manière d'enlever le sens peut-être des mots, d'abstraire un peu le truc pour pouvoir mieux dialoguer avec la contrebasse, quoi, comme un oiseau, quoi. Ouais, c'est ça, de se libérer du sens, quoi, absolument, ouais. Et puis de... Mais il y a quand même du sens, enfin, t'as quand même... Carrément, par contre, je raconte plein de trucs. Je raconte plein de trucs. Mais c'était juste cette plasticité là, de ces mots-là, enfin... Parce que je trouve que c'est une langue qui est quand même des fois assez rude, quoi. Et j'aimais bien le fait de, tu vois, le bois, ça fait, le bouet. Enfin, il y a quelque chose où, en fait, c'est comme si ça ramenait l'image de ce dont ça parle, en fait. Et j'aime bien cette chose-là d'explorer ça. Est-ce que c'est aussi une manière de peut-être raconter des choses intimes sans que ce soit trop comprise par les gens? Ça peut, après, en fait, quand même, globalement, je parle beaucoup de sensations que j'ai eues de ces paysages-là, en fait, dans l'enfance. Et je parle aussi de trucs qui finalement, sont assez anachroniques. Enfin, de fait, des employés en patois, par exemple, c'était des moments où, politiquement, il se passait des trucs vraiment compliqués, je trouvais. Et donc, il y a un morceau où je dis à genoux les enfants dans le matin. Et c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette image des lycéens qui étaient à genoux avec les mains sur la tête. Et cette image m'avait tellement choquée que du coup, J'ai voulu la dire, mais je l'ai dit comme ça. Donc ça mélange plein de trucs. Après, pour là, les nouveaux morceaux, c'est assez marrant parce que du coup, je fonctionne pas tout à fait pareil. J'ai tout écrit, je sais exactement ce que je... Pour le coup, c'est encore... C'est proche de trucs d'enfance, mais c'est encore plus imagé, plus... Presque fantastique, enfin... Voilà, des contes bizarres, quoi. Et donc, j'ai un livre que j'utilise, qu'on m'a donné dans ma famille. Parce que ma grand-mère, je vais pas refaire la même chose parce que c'est compliqué de puiser dans sa mémoire qui, en fait, a bougé, forcément. Donc, j'utilise ce livre davantage et je prends des mots dedans qui correspondent à peu près à ce que je veux dire, mais en fait, pas tout à fait. Donc, je suis obligée de rechanger, moi, ce que j'avais pensé. Enfin, je fais que des allers-retours comme ça, de construction. Ça m'oblige, en fait, à revoir mes images. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Je tombe sur des expressions, des choses. Je me dis, ah, mais oui, ça, je me souviens. Il le disait. Et en fait, c'est un aller-retour permanent. Et j'aime bien. C'est différent, en fait. Là, je suis pas tout à fait dans la même démarche. Je compose avec... c'est les images que j'ai, moi. Elles viennent résonner avec ce que je trouve. Et puis, du coup, je change mes images un petit peu. Ouais. Moi, c'était un peu les mêmes questions, finalement. on a été raccord. J'étais intrigué par le nom. Et je voulais... C'est ça, c'était un peu le lien que tu avais avec cette langue. Du coup, en fait, c'est t'as répondu. Après, il y a une petite c'est une remarque sans question, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est drôle, en plus, c'est arrivé à la fin de ton concert, dans ce morceau que tu n'aurais pas dû faire, mais que tu as fait. Et qui était super, qui n'était pas si dark que ça. Mais en fait, pour moi, c'est un morceau... c'est pareil, c'est un... à Nantes, quand il y avait ce jeune homme qui s'était noyé dans la Loire parce que il y avait eu les flics là qui faisaient chier. Et du coup, pareil, en fait, ce morceau il parle de ça. Moi, je sais que c'est. J'avais moins envie de le chanter parce que voilà, je sais de quoi ça parle, mais c'est vrai que. Peut-être qu'il est... il dégage pas ça, en fait. En tout cas, moi, j'ai vu carrément autre chose. Parce que du coup, tout au long du concert, où tu parles, des fois, ce qui est agréable aussi, t'expliques un peu d'où ça part, le morceau. Des fois, il y a des paysages que tu racontes, qui sont plutôt des paysages montagneux, avec du vent et de la neige et tout ça. Et dans le dernier morceau, c'est drôle, parce que j'entendais des... comme de la musique trad suisse avec des cors et des cornes qu'ils ont dans les alpages. Et c'est, je pense, quand tu tapes les cordes aiguës, des fois on dirait vraiment des cuivres, en fait. Ouais. Et du coup, c'est drôle, ça m'a fait... on va plus t'étais à l'est. Dans le yodel, pas du tout, dans la police nantaise. Ouais, c'est ça, j'étais plutôt parti en Suisse, dans les alpages, avec les vaches, plutôt qu'à Nantes, dans une manif qui a dégénéré. Mais la langue permet ça aussi. Bah oui. Ça enferme personne, en fait. Du coup, c'est... Ça permet à chacun de se faire son paysage. C'est ça, ouais. Moi, je trouve ça super de laisser cette possibilité à tout le monde. Mais par contre, le fait que les cuivres, moi, c'est un truc qui m'inspire beaucoup, pour le coup. Il y a des sons... T'arrives à... Pareil, dans le mimétisme, je me dis, mais... Et comment traduire, tu vois. Il y a des sons que j'aime beaucoup. Mais comme l'utilisation aussi percussive sur la contrebasse, parce que je suis fascinée par la batterie. Et j'aimerais vraiment... Il y a un truc de... multiplicité comme ça de plans, en fait, où tu peux être à la fois sur des trucs quand même un peu harmoniques, des hauteurs, mais sur des patterns et tout, avec des timbres différents. C'est un truc qui m'intéresse vraiment et que j'essaye de pousser, quoi, tout en n'ayant pas mes pieds non plus, donc c'est vraiment que avec les bras, mais ça m'inspire vachement. Enfin, je sais pas. J'ai... Souvent, je me dis, t'as quoi, la pensée, elle est pas de l'espace, tu vois. Elle est différente, en fait. Et comment tu la traduis sur un instrument qui est quand même juste mélodique à la base, enfin, qui est quand même dans une certaine structure. Et donc, j'essaie de réfléchir toujours à comment l'emmener. Et les autres instruments m'inspirent. Enfin, sont quand même importants pour ça, oui. Ben, c'était cool en tout cas. Merci. Pas d'auto-commentaires. Pour enlever les auto-commentaires pendant les concerts. Genre, désolé, je ne suis pas drôle. Ça ne faut pas dire. Non, je ne dirai pas ce soir. Et ce soir, j'aimerais bien faire le nouveau. Le morceau là dont je parlais juste avant sur le. Je pense que vous allez être mes cobayes. Je ne l'ai jamais joué. Cool. Je crois que je vais le faire. On veut bien ouais. Être tes cobayes. Et là, il faut qu'on aille ranger notre matos, je crois. Non, ça va. Ouais. Très belle chemise. Ouais, c'est en l'honneur de toi. Pas de vous, mais c'est quand même un peu... C'est un peu ma référence stylistique. Je crois que tu t'es déjà fait une déclaration d'amour vestimentaire. Bah écoute, trop bien. T'as tout suivi, Babou. Eh ben non, mais je vais découvrir ça pendant le mix, c'est trop bien. Eh ben c'était super de vous entendre tous les trois. Je pense que ce sera en deux parties. Eh ben c'était Projet Morse, la bonne Babance, et on vous embrasse. C'est quoi le cri du Morse? C'est génial. Hein. Ah non, mais attends, je vous le fais écouter. Ah non, c'est vraiment dur. Non. C'est vraiment dur, mais venez voir. Oui, parce que c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais venez voir. Il y a la vidéo. On va l'écouter à la radio. Je vais vérifier que ça tourne toujours. C'est pas loin, ça. Débouchiotte. Non. Bravo. Ouais. Bah alors là, c'est avec une éleveuse. Du coup, je me suis dit, oh merde, il a été dressé pour ça. Bon, c'est le cas, mais elle lui a appris des sons et tout. Et en fait, j'ai regardé un documentaire sur les morses, évidemment. Et ils font vraiment, ils font vraiment ces sons-là. C'est vraiment une. Voilà. Voilà. Vous tapez le chant du morse sur les YouTube. Bisous. echar sus curajes mai cau tiene u a tres de niescus bai en los ojos que smeten a la razón curajes mai curajes a dos de niescus los garzus curajes mai cau tiene u a dos de niescus bai en los ojos que smeten a la razón curajes mai curajes a un de niescus los garzus curajes mai cau tiene u a un de niescus bai en los ojos que smeten a la razón curajes mai curajes. Petite sélection, quasiment tout en occitan. C'est une jeune fille que seulement agireux d'aller prendre à la messe de jamais ni se sont rassemblés, lui présenter des livres garnis d'argent d'or. Françoise, ma Françoise, à la messe à London, comme ces bourgeois des villes en grande dévotion. J'aimerais mieux brûler quand la cendre au vent que d'aller à la messe fausserait mon serment. Qu'elle pouvait s'en aider, elle a livré sa fille, elle a livré. Tiens, bourreau, v'là ma fille, faisons tes volontés. À la messe, faut aller à la messe, je vous épouserai. J'aimerais mieux sans fouet la mort passe et autre sans.

Thank you. Margarita, lei la vo, chantò Rossignolé. Margarita, lei la vo. Lei la vo bella, lei la vo bella, lei la vo bella, lei la vo bella. Solo Rossignolé, chantò Rossignolé, chantò Rossignolé, chantò Rossignolé. Fidouten, con cochirolo fidouten, faron lo grand serbo nodi de nos gilira de bon chen. Cochiro fieta per lo gris, cochiro fieta per lo gris. Chilo bon chen volen de nous, chilo bon chen volen de nous. Nous cribiron de faux ira de ver lo fondo treboyou. Cochiro no moru rougeant. Cochiro no moru rougeant. Chilo bon chen et cupichen, chilo bon chen et cupichen. Niron creba, kumado se dinato pado tout en len. Cochiro no mor j'ai plongé. Cochiro no mor j'ai plongé. Quand cochira la fille d'autant, quand cochira la fille d'autant, faron le grand serbe nous dit de nos gilira des bons chens. Cochira fieta per l'eau gris, cochira fieta per l'eau gris. La belle se désole. Elle a toujours grand peur. Son amant l'abandonne. Un soir à la chandelle, elle prie beaucoup d'argent. Les habits de son frère et s'habille en garçon. Et la voilà partie au flambeau des étoiles. Elle marche jour et nuit pour chercher son fidèle. En traversant un bois, la belle est fatiguée. C'est un cœur plein de charme. retire-toi, petite sotte. Dans un couvent, je te mettrai. Et là, tu seras très heureuse. Tu prieras Dieu. Sentirete la differenza di lavorare e di comandare. E sentirete la differenza di lavorare e di comandare. O Mario Scelba, se non la smetti di arrestare i lavoratori, noi ti faremo come al Duce, Piazza Loreto ci ammazzeremo. Noi ti faremo come al Duce, Piazza Loreto ci ammazzeremo. E noi faremo come la Spagna, e squilliremo il campanello. E squilliremo il campanello e gli anarchisti canteranno. E squilliremo ane eloeni anarchisti canteran e noi faremo come mondeggi chi non mangerà non lavorerà e quei vigliacchi e quei signori andranno loro a lavorare e quei vigliacchi quei signori andranno loro a lavorare. Mm-hmm. Kexueiru kauka feipatuzu, kexueiru luar sukande bija, kexueiru kauka feipatuzu. Perdun irten lugar suara duanda, perdun irten jesu benyerar zen. Perdun irten lugar suara duanda, perdun irten jesu benyerar zen. Kexueiru lugar sukande bija, kexueiru kauka feipatuzu. Kexueiru lugar sukande bija, kexueiru kauka feipatuzu. de plomb, mon poignard dans le sein. Saint-Seul, il répondit, à quoi pensez-vous? Calmez votre colère, songez au Dieu tout-puissant, en auriez-vous le courage de salir votre que je me mouche, je l'ai bien noué trois fois, je l'ai mis dedans sa bouche pour lui faire perdre moi. mon père m'a nourri. Tout le temps de ma jeunesse fut point longue, n'a pas duré longtemps. Le verre et la bouteille m'ont rendu libertin. J'avais trois petits enfants de ma vie. Vous pourrez retrouver les liens vers les artistes cités et les extraits musicaux entendus sur projetmorse.com.